France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Elena Ceausescu. Le jour de Noël de l'année 1989, comme dans un jeu de domino, après les autres pays de l'Est, la Roumanie à son tour change de régime et abat le communisme ubuesque incarné par son président, Nicolae Ceausescu. On le voit, avec son grand manteau et sa toque en fourrure noire, sa longue écharpe grise, comme ses cheveux de vieillard, on le voit s'effondrer sous les balles devant un mur de briques ocre et beige. Et si le prénom d'Elena Ceausescu, son épouse, n'est pas tombé dans l'oubli, c'est probablement parce que elle aussi était sur la photo. Elle aussi a été exécutée ce jour-là aux côtés de son mari, une vieille dame avec un grand foulard et des chaussures blanches. À la différence d'autres femmes, Elena Ceausescu figure dans les livres. Et pourtant, que sait-on d'elle? Son histoire n'est jamais racontée. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que les Roumains ont eu droit à deux dictateurs pour le prix d'un, elle et lui, du même tonneau, pour deux décennies de famine et d'assassinat. 22 ans de règne sans pitié pour ces Thénardier des Carpates et une population nourrie par la peur. Notre invité aujourd'hui, Traian Sandu, historien et professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre intitulé « Ceausescu, le dictateur ambigu », paru aux éditions Perrin en septembre 2023. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jeudi 21 décembre 1989, Bucarest, Roumanie. Des milliers de personnes sont réunies ce jour-là sur la place de la République, la plus grande de la ville, pour assister au discours de leur président. Enfin, quand on dit qu'ils se sont réunis, ils n'ont pas vraiment eu le choix. C'est que la sécurité, la police politique du pays est assez convaincante. Alors, des trains, des cars sont affrétés de tout le pays pour amener les gens à assister à la locution. C'est comme ça en Roumanie depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolae Ceausescu en 1965. Chaque discours est une grand-messe organisée, artificielle, en l'honneur des dirigeants tout puissants. On force les gens à être là, à applaudir, à proposer des chorégraphies ridicules pour rendre hommage au conducteur, comme on dit, conducteur, celui qui ouvre la voie. Et le fait est que, depuis le milieu des années 70, au culte de la personnalité de Nicolae s'ajoute celui de sa femme, Elena. Ici, la mère patrie devient la mère de la patrie, rien que ça. Et ça fait 24 ans que ça dure. À cette époque, ce pays vit le même drame que d'autres pays communistes dirigés comme lui par des psychopathes, comme les Kim en Corée du Nord ou Enver Hoxha en Albanie. Mais il y a quelque chose d'un peu différent dans l'atmosphère de cette fin d'année 89 à Bucarest, hein, sur cette place de la République. Quelque chose dans l'air, comme une tension. C'est invisible, mais c'est là. Le contexte international a changé avec la chute du mur et la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est, bien sûr. Et puis il y a surtout l'onde de choc liée à la découverte du charnier de Tibisoara quelques jours auparavant. Faux charnier, on le saura plus tard. Les répressions sanglantes des manifestations dans la quatrième ville du pays semblent avoir bouleversé l'opinion publique. Alors un grondement sourd se diffuse depuis et jusqu'à Bucarest. Et c'est bien pour cette raison que le couple Ceausescu a décidé d'organiser ce gigantesque meeting Place de la République. Pour réaffirmer son pouvoir et faire rentrer tout le monde dans le rang. Mais à leur manière, avec leur ton tellement particulier. Celui d'un parent qui subit son enfant capricieux ou d'un instit qui réprimande un élève turbulent. C'est donc, avec l'air de grands-parents ou de parents fâchés, que les Ceausescu apparaissent sur l'immense balcon du palais du comité central. Il est presque midi. Sous le regard de sa femme, le conducteur commence à parler, la voix un peu chevrotante. C'est un ancien bègue, Ceausescu. Il est parvenu à surmonter ses difficultés, mais ce n'est pas un orateur né. Et parfois, de légers tremblements reviennent. Nicolas et Elena prennent le silence religieux qui résonne sur la place comme une forme soumise et pieuse d'adhésion populaire. Mais il et elle se trompent, et lui prend confiance. Debout, juste à sa gauche, Elena l'encourage. Elle lève la main, hoche la tête. Oui, il faut condamner les grandes manifestations qui se sont déroulées récemment. De tels agissements doivent être considérés comme une infamie. Le couple attend, comme d'habitude, les applaudissements qui ne viennent pas, au contraire. Et pour la première fois de leur histoire, les Ceausescu sont hués. Le choc, la surprise, l'ahurissement, tout cela se lit sur leur visage. Et l'événement est tel qu'il est repris dans le monde entier, notamment aux 20h d'Antenne 2. Ni la peur, ni la force ne suffisent aujourd'hui à Nicolae Ceausescu pour contrôler sa capitale, Bucarest. La manifestation de soutien organisée par le Parti communiste roumain ce matin, sur la place de la République, la plus grande place de la capitale, s'est incroyablement retournée contre le conducator. Vous allez entendre l'enregistrement de la radio roumaine. Ceausescu, en plein discours, est interrompu par des sifflets et des slogans hostiles. Il va s'arrêter de parler. Et la radio, pour que le peuple n'entende pas les sifflets, va diffuser des chants patriotiques. Écoutez. Il est alors midi. Du fond de la manifestation de soutien, une contre-manifestation s'ébranle. Des milliers de personnes face aux blindés et aux hommes de la Securitate, la police politique. Ce soir, dans un pays hermétiquement fermé, Ceausescu est plus que jamais isolé. Alors que la colère embrase progressivement les rues de la capitale, ni Nicolae, ni Elena Ceausescu ne comprennent l'ampleur du séisme politique qui vient de se déclencher. L'air plus ahuri que jamais, le dictateur est prostré. Comment le couple le plus puissant d'Europe de l'Est a-t-il pu se retrouver enfermé dans son propre palais ? Et quel est le rôle au juste d'Elena Ceausescu dans la construction puis la destruction de la dernière dictature communiste européenne ? Pour comprendre le parcours et les responsabilités réelles d'Elena Ceausescu, il faut revenir aux origines. Quand elle ne s'appelait pas encore ni Ceausescu, ni Elena d'ailleurs. Parce que, comme beaucoup de dictateurs, elle a eu besoin d'inventer son mythe, de se construire une image, une histoire, en phase avec ce qu'elle a décidé d'incarner. Elena Ceausescu naît sous le nom de Lenuta Petrescu le 7 janvier 1916 à Petresti, dans la division administrative de Dâmbovița, au nord-est de Bucarest. Son père est un paysan et sa famille, comme dans la plupart de cette région rurale, est de conditions modestes. Elle va à l'école du village jusqu'à ses 10 ou 11 ans, sa courte scolarité n'est pas exemplaire. Il semble qu'elle n'excelle pas dans les matières traditionnelles comme l'histoire, le roumain ou les mathématiques. Son instruction, comme celle d'un grand nombre d'enfants à l'époque, semble donc se limiter aux bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. Elle a 11 ou 12 ans quand ses parents l'envoient à Bucarest vivre chez son frère. La famille a besoin d'argent, la petite doit travailler. Elle commence par exécuter des petits tâches d'assistante dans un laboratoire avant d'entrer comme ouvrière dans une usine de textile. À bien des égards, l'enfance et l'adolescence d'Elena ressemblent à celle de son futur mari, Nicolae. Lui aussi né dans une famille de paysans plutôt modeste, au sud de la capitale. En 1918, c'est le 9e d'une fratrie de 11. Il arrête l'école tôt, après l'école primaire. Il semble que sa mère l'imagine dans les ordres, prêtre orthodoxe ou quelque chose dans le genre. Mais ce n'est pas la vie du garçon, qui fuit la maison familiale, direction Bucarest, chez l'une de ses sœurs. Là, il commence à travailler chez un cordonnier. Elena et Nicolae grandissent donc dans un environnement austère, à une époque où la vie en Roumanie n'est pas facile. Au-delà de leurs origines sociales, les deux jeunes gens ont aussi en commun un engagement politique. Il semblerait qu'Elena ait intégré les jeunesses communistes à une époque, l'entre-deux-guerres, où le parti était interdit en Roumanie. Elena a 21 ans quand elle entre au parti. En tout cas, c'est ce qu'il ressort de l'histoire officielle. Elle découvre le milieu communiste via des syndicats d'ouvriers. Elle participe à des réunions illégales, des manifestations. Elle apprend. C'est que l'époque est compliquée pour les communistes, comme le rappelle Diane Ducret dans son ouvrage « Femme de dictateur ». Depuis 1936, en effet, le Parti communiste roumain est pourchassé par le roi Carole. La guerre d'Espagne a brusquement tendu le climat politique partout en Europe et la lutte contre les communistes s'intensifie en même temps que la garde de fer augmente son emprise sur le pays. Le procès et la condamnation à 10 ans de prison d'Anna Poker, la figure de proue de la lutte prolétarienne de l'entre-deux-guerres, a initié un climat de persécution. Elena rejoint les dissidents communistes en 1937 et prend désormais part à leurs actions subversives, bien que l'on n'ait aujourd'hui aucune trace. Elena n'est pas forcément très futée, mais elle a un caractère en acier trempé. Elle est obstinée, têtue. On ne sait pas exactement quand Nicolae Ceaușescu la remarque, justement. Comme dans toute bonne histoire, les versions divergent. Au bal des ouvrières du textile, durant une manifestation du 1er mai, au cercle culturel des métiers de l'habillement des quartiers sud de Bucarest, trois options. En tout cas, les deux se rencontrent en 1939. Le jeune Nicolae fait partie depuis quelques années déjà de ce qui deviendra le futur parti communiste roumain. Elena et Nicolae partagent le même enthousiasme pour cette cause, les mêmes engagements. C'est politique entre eux, et immédiat. Et puis, ils charrient d'une certaine façon les mêmes complexes au regard de leurs parcours respectifs, de leurs origines modestes, de leur absence d'éducation, qu'ils compensent par un engagement débordant, exalté même. Ils se marient en 1947, après l'avènement d'un régime communiste dirigé par son nouveau président, Georgiou Dej. C'est d'ailleurs à l'occasion de son mariage qu'Elena se décide à changer de prénom. Lenuta, la petite Hélène, ça veut dire la douce en roumain. Mais elle trouve que ça ne correspond ni à son caractère, ni à l'idée qu'on se fait d'une vraie militante communiste. Ce sera donc Elena. Ah, et au passage, elle change son année de naissance. De 1916, on passe à 1919. Parce que son mari, lui, est né en 1918 et qu'elle ne peut décemment pas être plus âgée que lui. Ces détails disent beaucoup de la détermination de la jeune femme et de son sens de l'anticipation. Pendant ce temps, Nicolae Ceaușescu gravit rapidement les échelons du tout jeune régime communiste. Sa proximité avec le nouveau leader roumain n'y est pas pour rien. Dej a pris sous son aile le jeune Ceaușescu alors qu'ils étaient tous les deux incarcérés pour leur activité communiste pendant la guerre. Le dirigeant lui donne rapidement des responsabilités, et pas n'importe lesquelles. Secrétaire de l'Union des Jeunesses Communistes, ministre de l'Agriculture, ministre délégué aux armées, il devient vite une pièce maîtresse de l'échiquier politique roumain. Comme l'explique l'ancien ministre des Affaires étrangères du pays, Corneliu Manescu, dans le documentaire Ceaușescu, la folie du pouvoir. Il était le cerveau qui commandait tous les ministères. Chaque ministère était la façade du régime. Mais les décisions importantes était prise au comité central où Ceaușescu, qu'on avait fait général, était la main droite de Gheorghiu Dej. À l'époque, il n'y avait aucun domaine où il ne commandait pas et ne décidait pas. C'était un fanatique, non pas au sens simpliste du terme. Ce n'était pas dans le sens d'une simple faiblesse humaine. Il avait une ambition hors du commun. Et cette ambition hors du commun, il la partage pleinement avec sa femme, qui l'aide à entrer en politique. Ainsi, dès 1948, Elena occupe un poste de secrétaire au ministère des Affaires étrangères. À cette époque, elle n'est pas sous le feu des projecteurs, du moins pas encore. Alors, elle profite de l'ombre qui est la sienne pour tracer sa route, à l'abri des regards, en attendant qu'arrive son heure. Mais elle veut aller vite, cocher les cases de ses ambitions. Alors, elle enchaîne rapidement les grossesses, fait trois enfants et passe à autre chose. Grâce à un certain nombre de privilèges, typiques des régimes communistes, la fameuse nomenclatura, elle s'inscrit au cours du soir à l'université pour étudier la chimie. Elle en ressort après trois échecs à l'examen, avec un titre d'ingénieur chimiste. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui compte, c'est le diplôme. Peu importe qu'elle ait raté trois fois les examens, peu importe que ce diplôme, elle ne l'obtient que grâce aux relations de son mari. Pour Elena, ce titre est un sésame pour forcer les portes qui ne s'ouvraient pas encore. À la mort de Georgiou Dej en 1965, Nicolae lui accède au poste de secrétaire général du comité central. Il lui faut quelques années à peine pour transformer ce titre en celui de président de la République socialiste de Roumanie. Et sa femme commence à prendre la lumière. Mais en tant que femme d'eux, pas de façon autonome. Et dans la situation qui est celle de Ceausescu, au moment de leur accession au pouvoir, ils ont, là encore, quelque chose en commun, un besoin essentiel d'asseoir leur autorité. Pour la stabilité du pays, un peu, pour la leur, beaucoup. Elena veut des responsabilités, et pas des responsabilités de façade. Non, elle veut sa place sur la scène politique, publique. Elle veut faire partie du pouvoir. Elle a fait des enfants, elle a donné une famille au conducteur, maintenant c'est son tour. Mais la jeune femme n'est ni particulièrement charismatique, ni particulièrement brillante. Alors, elle falsifie son CV. Elena Ceausescu devient complètement obsédée par les diplômes et les titres. Et peu importe qu'ils soient en carton. Ça commence avec sa thèse de chimie sur la polymérisation stéréospécifique de l'isoprène, phénomène bien connu, qu'elle publie en moins de 2 ans. Son premier directeur de thèse refusait de soutenir ses travaux, il a été renvoyé. Le second, Mihai Florescu, qui a supposément validé son travail, tient aujourd'hui un discours sévère sur son ancienne étudiante et sa capacité d'écrire des livres. Il témoigne dans le documentaire Ceausescu, La folie du pouvoir. Elle n'était pas capable d'écrire un livre ou un article. On dit que vous avez aidé à donner des diplômes à Elena Ceausescu. Je ne savais rien. Je n'étais pas du tout mêlé dans toutes ces affaires. Tout était fait par la propagande du comité central. Propagande ou non, l'homme est ensuite nommé ministre de la Chimie. Ministre de la Chimie, un poste assez alambiqué et une dénomination bien pittoresque. Désormais à la tête de l'Institut National de Chimie de Bucarest, Elena Ceausescu, elle, devient membre de tout un tas de comités scientifiques, éducatifs, culturels, universitaires et politiques. Parce que ses diplômes, c'est son marchepied pour le gouvernement. D'ailleurs, publiquement, elle ne doit plus être appelée camarade Elena Ceausescu. Non, son titre officiel est désormais grande scientifique de renommée internationale Elena Ceausescu. Et les médias roumains qui pensent avoir une dirigeante sortie tout droit de la cuisse de Louis Pasteur sont de plus en plus incités à lui conférer un rôle particulier, à la mettre en avant, indépendamment de son statut de madame Ceausescu. Et là où Elena a de la chance, c'est que sa soif de titres et de diplômes va être à la fois rassasiée et encouragée par la politique étrangère de son mari. Pour asseoir sa légitimité et son autorité, Nicolae Ceausescu va passer par la scène internationale. Et c'est l'une des singularités de la République roumaine depuis 1965. Une ouverture diplomatique tous azimuts vers l'Occident et, de fait, un éloignement de l'URSS. La rupture entre Ceausescu et Brezhnev est actée au moment du printemps de Prague. Ainsi, quand les chars soviétiques écrasent la Tchécoslovaquie pour réprimer les manifestations, la Roumanie ne soutient pas l'URSS et ses partenaires du pacte de Varsovie. En s'engageant dans une sorte de neutralité, le conducteur place son pays dans une position particulièrement intéressante pour les Occidentaux. Et c'est ainsi que la Roumanie va servir d'intermédiaire, de médiateur entre les blocs de l'Est et blocs de l'Ouest. Et devenir rapidement indispensable. Avec Elena, ils sont invités partout, en France, au Royaume-Uni, au Mexique, en Grèce, et avec tous les honneurs, s'il vous plaît. À chaque fois ou presque qu'ils font un déplacement, Nicolae demande un nouveau diplôme honoris causa pour sa femme. Si bien qu'à la fin de sa vie, la voilà titulaire d'une 20aine de doctorats issus d'universités européennes ou américaines. Au bout de quelques années, son statut est tel que lorsque le président des États-Unis, Jimmy Carter, reçoit le couple en 1978, c'est tapis rouge. C'est la quatrième visite du président Ceausescu et de sa femme Elena aux États-Unis. Leur influence à travers le monde en tant que dirigeant de la Roumanie est exceptionnelle. Et voilà Elena Ceausescu sur un pied d'égalité avec son mari, ou presque. En tout cas pour lui, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'en présentant sa femme comme une intellectuelle, une universitaire accomplie, il propose à l'Occident une version, disons, acceptable, une version politiquement correcte pour l'Ouest de ce que peut être une femme communiste. Et l'intéressé compte bien s'en servir au désespoir à venir du peuple roumain. Aujourd'hui, Elena Ceausescu. France Inter. Affaires sensibles. À la fin des années 60, la santé économique de la Roumanie est meilleure que celle de ses voisins d'Europe centrale. Et sa situation géopolitique plutôt enviable. Émancipé de la tutelle soviétique, Nicolae Ceausescu a lancé une gigantesque opération industrielle pour son pays et a redonné une certaine forme de fierté aux Roumains grâce à sa posture diplomatique, justement. Elena, elle, est parvenue à être élue au comité municipal du Parti communiste roumain à Bucarest. Et ce n'est qu'un début. Le tournant, le vrai, dans sa vie et celle de son mari, et indirectement de la Roumanie, a lieu en 1971, l'année où les Ceausescu effectuent une visite officielle en Corée du Nord et surtout en Chine. La rencontre avec Mao Tse-tung et Jiang Qing éblouit les deux Roumains. C'est une révélation. Un régime autoritaire, népotique, de grande parade, un culte de la personnalité à toute épreuve, tout cela fait forte impression dans l'esprit du couple qui voit dans ce modèle le chemin du succès. Oui, la marche à suivre. Alors, de retour en Roumanie, il décide de s'en inspirer, en particulier du culte de la personnalité. Dès 1971, les médias et la propagande sont tout entiers dirigés vers la vénération, non pas uniquement de Nicolae, mais de Nicolae et d'Elena. Et si le culte d'un dictateur n'est pas une nouveauté, celui de sa femme, en tant que telle, de façon autonome, indépendante de son mari, en est une. Au-delà des grandes messes régulières, voici par exemple l'un des nombreux poèmes écrits en son honneur, repris dans le livre Femme de dictateur. Plus grande femme jamais vue. De toute notre nation, elle est aux cieux l'étoile la plus brillante, habillée à la mode roumaine. C'est Elena Ceausescu. Plus pur est son vibrant dessin, la meilleure mère pour nous sauver, venant avec un cerveau savant. Ses réalisations sont les plus grandes, et toujours elle vise plus haut notre guide, et pour soutenir notre chef, elle se tient fièrement à ses côtés. À partir de 1979, Elena a même droit à une cérémonie spéciale pour son anniversaire. Et dorénavant, la première semaine de janvier est consacrée à honorer la nouvelle héroïne de la nation. C'est la première fois qu'une femme bénéficie d'une telle célébration publique. En parallèle de ce culte, elle grimpe au plus haut niveau du Parti communiste et du gouvernement. Elle intègre le comité central du parti, puis le comité exécutif. Elle est élue députée, puis devient chargée de toutes les ressources humaines, ce qui, dans un régime népotique et despotique, donc cynique, la place tout en haut de la hiérarchie du parti et du gouvernement. Statut officialisé lorsqu'elle obtient le poste de vice-premier ministre. Durant la décennie 80, Elena Ceausescu est la deuxième personne la plus importante du pays. Or, c'est durant cette décennie que la Roumanie parachève sa transformation de pays plein de potentiel et d'avenir, à celui d'État affamé par deux mégalomanes. Le couple des dictateurs devient de plus en plus parano, met tout le monde ou presque sur écoute, envoie des indésirables en camp de travail. On dit qu'un membre de chaque famille en Roumanie a déjà eu affaire à la terrible Securitate. Un ancien agent des services secrets parle de cette police politique justement en 1989 dans l'émission Reporter pour la 5. Probablement le système de sécurité intérieure roumaine est la plus importante au monde par rapport à la taille du pays. Commençons par exemple par les lieux publics. Il y a les chambres d'hôtel, surtout celles utilisées par les étrangers. Ensuite, il y a les micromobiles et les émetteurs qui sont cachés dans les endroits les plus incroyables, comme les assiettes dans les restaurants. Ils utilisent aussi les micromobiles pour suivre et écouter les gens qui discutent dans des parcs. Il y a une censure totale du courrier et du téléphone. Je ne pense pas qu'on puisse trouver dans aucun autre pays du monde, même pas les plus totalitaires, communistes ou d'extrême droite, dans lequel on puisse constater une situation pareille. Mais surtout, les Ceausescu lancent certaines politiques des plus désastreuses, des plus violentes et des plus macabres que le pays ait jamais connues. D'abord, Nicolae décide de rembourser intégralement la dette extérieure du pays, ce qui en soi n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais pour cela, il choisit d'exporter quasiment toute la production agricole de la Roumanie, laissant la population progressivement s'affamer. Le rationnement subi par les Roumains est terrible et mène à la famine. En parallèle, Ceausescu met en place une politique nataliste drastique pour compenser la baisse démographique du pays. L'avortement, comme la contraception, sont interdits. Les divorces sont fortement découragés. Les femmes doivent avoir au moins 4 enfants. Les couples qui n'en ont pas, après 26 ans, sont taxés d'un impôt supplémentaire. Les conséquences sont désastreuses. Pour les femmes d'abord, les enfants ensuite. Les Roumaines, qui sont prêtes à braver la loi, prennent le risque de mourir. Elles sont d'ailleurs des milliers à perdre la vie lors d'avortements clandestins. Pour les autres, eh bien, à force de les contraindre, ainsi que leur famille à avoir des enfants non désirés, la seule option, c'est l'abandon. Ils seront ainsi près de 150 000 nourrissons, bébés, enfants, à remplir les orphelinats roumains, dont le nombre explosera dans les années 80. L'autrice roumaine Liliana Lazar confie ses souvenirs sur cette période au micro de Caroline Gillet dans Foule Continentale sur France Inter. On les appelait maisons pour enfants, c'est des orphelinats. On avait construit pas mal. Après le décret de Ceausescu, on me disait bon, « croissez, multipliez-vous, faites des enfants ». Les femmes étaient condamnées finalement à enfanter. Et je pense que le parti lui-même n'avait pas pris la mesure de ce que ça allait donner, enfin l'ampleur du phénomène qu'allait suivre. Tous ces enfants qui naissaient, qui étaient laissés dans les maternités, il fallait après s'en occuper. Ou alors les enfants des femmes qui décédaient suite à des tentatives d'avortement. Donc on bâtissait à la va-vite. On employait aussi un personnel qui n'était pas qualifié. Le drame a été à tous les niveaux. On en voit encore les conséquences aujourd'hui. Pendant longtemps, cette politique nataliste fut attribuée à Elena Ceausescu. Elle l'a incarnée. Elle a été considérée ensuite comme largement responsable des conséquences mortifères de ces impératifs natalistes, probablement parce que c'était une femme, c'était l'héroïne du pays, la mère du peuple, qui plus est. Elle a ensuite été haïe pour cela. En réalité, il semble que si elle a complètement soutenu son mari sur ce point, elle n'en a pas été à l'initiative. Toujours est-il que le pouvoir d'Elena Ceausescu croît de façon exponentielle tout au long des années 80. Et beaucoup s'inquiètent de son influence sur le conducteur. Elle possède désormais son propre cabinet de gouvernement, le cabinet numéro 2, le 1 étant celui de son mari, évidemment. Elle filtre les informations, les dossiers, tout passe par elle. Et elle cristallise une colère certaine au sein du parti et du gouvernement, et de la population, bien sûr. Et le fait est que la situation de la Roumanie empire. À l'intérieur de ses frontières, la population s'enfonce dans la misère, mais aussi à l'extérieur. Car le régime possède de moins en moins d'appui à l'international. C'est que les relations entre l'Ouest et l'Est s'apaisent. Le rôle de la Roumanie pour jouer les entremetteurs s'en trouve donc asséché. Et puis arrive l'estocade, l'année 89, qui voit les dictatures communistes d'Europe de l'Est tomber les unes après les autres. À partir du moment où le mur de Berlin chute, les jours sont comptés pour Nikolaï et Elena. Mais aveuglé par sa mégalomanie, le couple ne voit rien venir. Notamment ce danger majeur pour eux, la découverte de ce qui est présenté par tous les médias du monde comme le charnier de Timișoara. Nous sommes le 23 décembre 1989 et la nouvelle du massacre est reprise dans le 20h d'Antenne 2. La fin du régime de Ceausescu n'est pas simplement la fin d'un régime communiste peu à peu dévoyé par un mégalomane. Elle nous fait aussi découvrir l'horreur. À Timișoara, la ville d'où est partie le week-end dernier la révolte des Roumains, les habitants ont découvert la nuit dernière un charnier dans lequel se trouvaient non seulement des hommes, des femmes et des enfants assassinés, mais aussi torturés, voire mutilés. Près de 13 000 personnes avaient été arrêtées, 7 000 devaient être passées par les armes et le massacre avait commencé avant que les événements ne s'accélèrent. Michel Montpontet. Des images insoutenables, mais qu'il faut pourtant regarder. Parce que la dictature de Ceausescu et de sa Securitate, c'est ça. Le charnier de Timișoara et ses milliers de corps mutilés, ses cadavres de femmes ou d'enfants. Timișoara, ville martyre de la Roumanie. Le fait que ce charnier ne soit finalement qu'une mise en scène macabre reste une étincelle. Et même factice, elle déclenche l'incendie et aboutit à un soulèvement populaire d'ampleur inégalée en Roumanie. Une révolte ? Non, sire, une révolution, voire un coup d'État. Soulèvement repris et instrumentalisé en interne, évidemment, par le rival de Ceausescu. C'est pour cette raison que le couple décide d'organiser un grand discours public, place de la République, pour reprendre la main, pour montrer que ce couple-là incarne toujours le pouvoir. Mais cette tentative ne fonctionne pas. Après le discours, Elena et Nicolae Ceausescu s'enfuient du palais du comité central en hélicoptère. La scène est digne d'un film d'action. Ils seront arrêtés, jugés et exécutés moins de 72 heures plus tard. Après la mort de Madame Ceausescu, les femmes ont été évincées de la vie politique roumaine pendant des années. Une punition politique et misogyne qui porte un nom, on parlera de l'effet Elena. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Vous écoutez Affaires sensibles aujourd'hui. Ceausescu. Madame Ceausescu, Elena Ceausescu, dont nous parlons avec notre invité, Traian Sandu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur du livre Ceausescu, le dictateur ambigu. Je voudrais m'arrêter déjà sur le mot ambigu, qui est la porte d'entrée du portrait que vous en faites. Pourquoi ambigu ? Bien, écoutez, comme je l'ai déjà dit, parce que vous n'avez pas là, finalement... La primeur d'une telle question, même si elle est excellente, la preuve, vous la posez, c'est qu'elle est excellente. Eh bien, je répéterai, je me copierai un peu moi-même, c'est un peu de l'autoplagiat. C'est pas grave, je vous dirai... répondez à plusieurs journalistes. Non, absolument. Et donc, je vous dirai pourquoi dictateur. Ça vous semble évident, ça ne l'est pas tant que ça. Intéressant. Oui. Justement, l'ambiguïté viendra modaliser le commentaire que l'on peut ajouter à ce terme de dictateur. Il se trouve que le titre est absolument excellent et il n'est pas de moi. Bon, c'est pour cause. Il est de l'éditeur, donc je voudrais le féliciter et le remercier. Et en fait, lorsque vous avez affaire à des régimes totalitaires, que l'on soit d'accord ou que l'on ne soit pas d'accord avec cette idée de totalitarisme, la notion est remise en cause par certains historiens, d'autres s'y accrochent, comme moi. Et donc, lorsque vous avez des chefs totalitaires, eh bien, la définition qu'on en donne est très différente de celle qu'on en donnait il y a encore une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, bon, en s'appuyant plutôt sur les cas des fascismes, mais on peut l'appliquer facilement à Ceausescu, eh bien, les chefs totalitaires sont plutôt des chefs populaires. Ce sont des chefs, et vous en avez touché un mot en brossant le portrait de Ceaușescu, un peu moins de sa femme, mais de Ceaușescu en tout cas. Ce sont aussi des gens qui ont été à un moment ou à un autre populaires. C'est le cas évidemment de Mussolini, d'Hitler. Et vous voyez bien que ce ne sont pas simplement des gens qui dictent à la foule, hein, les gens qui étaient réunis à Nuremberg ou sur la place de Venise à Rome n'étaient pas amenés forcément de force, dans des cars ou dans des trains. Ils y venaient tout seuls, évidemment encadrés par la structure puissante du parti, le parti totalitaire qui encadre parti de masse, de la massification politique des foules, diraient certains, du corps politique tout simplement. Cet encadrement qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale, qui a concerné essentiellement les bolcheviques et les fascistes, mais pas seulement, aussi des partis démocratiques, a joué entre les mains de chefs charismatiques dont on ne peut pas dire qu'ils étaient simplement des dictateurs une fois qu'ils prenaient le pouvoir. D'ailleurs, ils étaient populaires aussi avant de prendre le pouvoir. Et ça s'applique tout à fait à Ceaușescu. Alors pour Ceaușescu, c'est un peu plus ambigu. Parce que lui, effectivement, il a hérité du pouvoir alors qu'il était déjà au pouvoir. Mais il s'est employé, d'une certaine façon, à faire oublier le passé à la fois autoritaire et soviétique, donc halogène, d'un pouvoir mis en place par l'occupant soviétique, qui reste jusqu'en 1958, tout de même en Roumanie. Il finit par déguerpir. Et donc, il s'emploie aussi, donc à la fois à se légitimer comme communiste, mais aussi à critiquer la puissance impériale de tutelle, c'est-à-dire l'Union soviétique, sa popularité. Vous avez parlé de sa popularité à l'étranger. Oui. Il était populaire parce qu'il était un peu anti-soviétique. C'est ça. Mais cette popularité qu'il avait à l'étranger auprès des Occidentaux, à commencer par De Gaulle, qui n'était pas un idiot, loin de là, et qui avait senti en lui un critique du centre impérial moscovite, comme il était lui-même un critique du centre impérial américain, il avait senti une sorte d'alter ego. D'ailleurs, je crois que la Roumanie, pendant un temps, a bénéficié d'un statut particulier de partenaire économique de la France, hein, c'est ça ? Oui, et puis la France l'a introduite aussi auprès de la communauté économique européenne, voilà. Et donc, elle a bénéficié effectivement d'une coopération économique qui a touché parfois des secteurs assez sensibles, pas tout à fait les armes, évidemment, mais l'aéronautique, certains hélicoptères, évidemment les voitures, les fameuses Dacia. Le programme commence en 1966-67. Et donc, si vous voulez, dictateur ambigu, excellent titre, que je discuterai tout en reconnaissant la valeur. Donc, voilà pourquoi je voulais commenter d'abord la première partie du titre, le dictateur, et l'ambiguïté, elle, évidemment, elle ressort de ce que je viens de vous dire, c'est que, précisément, ce n'est pas seulement un dictateur. Il y a une dimension autoritaire, incarnée effectivement par la Securitat, dont on a beaucoup parlé après 1989, mais qui en fait ne l'a absolument pas défendue, puisque la Securitat était déjà un tout petit peu en fait au courant de ce qui était en train de se passer à l'extérieur. Elle était en contact aussi avec le monde extérieur, y compris en faisant des affaires, etc. Donc finalement, elle l'a lâché assez tôt. Tout ça, c'est assez discutable, mais finalement, c'est très intéressant ce que vous dites et la présentation que vous en avez faite, parce que ceux qui voudront bien me faire l'honneur de lire mon livre auront une image assez différente finalement de Ceaușescu, même si la fin est évidemment sordide, et bien sûr. Comme vous l'avez bien montré. Alors maintenant, ce qu'on n'a pas tout à fait montré, et j'y reviens 35 ans après, c'est intéressant, qui sont ces gens qui prennent le pouvoir en Roumanie après Ceaușescu ? Eh bien, ce sont à la fois ces créatures, Monsieur Iliescu, qui était un proche d'ailleurs du pouvoir jusqu'au milieu des années 70, et ce sont ces créatures, mais des créatures beaucoup plus informées, finalement, c'est-à-dire ce sont des gens qui prennent l'air du temps. Et l'ère du temps, si vous voulez, est un temps global. La Roumanie est insérée dans les échanges internationaux et dans les rapports internationaux de pouvoir. Et les rapports internationaux du pouvoir, depuis 1979, et c'est là l'ironie de l'ironie du destin de Ceaușescu, c'est que lui-même, il a contribué à un grand rapprochement qui finalement scia la branche sur laquelle à la fois l'Union soviétique, mais lui aussi d'une certaine façon, et malgré ses velléités occidentales, occidental était assis, c'est-à-dire qu'il sciera la branche soviétique en favorisant le rapprochement entre les États-Unis et la Chine. Donc l'amorce de la mondialisation libérale, néolibérale, à partir de l'ouverture de la Chine en 1979, a été aussi facilité par le rôle de Ceausescu et aussi du Pakistan dans le rapprochement entre Nixon et Mao. D'accord, je vais d'aller un peu vite parce que le temps passe vite, il ne nous reste que 10 minutes. Donc je reviens quand même à ma question, ces gens qui prennent le pouvoir, des proches, ça vient de la sphère Ceausescu. Des gens informés. Une partie informée. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État plutôt qu'une révolution? Ça dépend de quel moment il s'agit. Le contexte global, c'est celui du sabordage de l'Union soviétique par elle-même, du pouvoir soviétique. Mmh. En tout cas, Gorbatchev a sabordé l'Empire, pas l'Union soviétique, paraît-il. Il espérait sauver l'Union soviétique en sabordant l'Empire. Il oubliait que lorsqu'on est dernier bourgeon d'une idéologie totalitaire, donc en fait enthousiasmante, mobilisatrice de la société, il ne faut pas reculer. Lorsque vous sabordez l'Empire en disant « je vais sauver le centre impérial », c'est-à-dire la Russie soviétique, en réalité, à un moment ou à un autre, ce recul idéologique et géopolitique, géostratégique aussi, militaire, finira par vous toucher. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont pris le pouvoir étaient gorbatcheviens, voilà. Donc qui accompagnait Gorbatchev dans le sabordage de l'Empire et qui, en fait, l'ont mené aussi. Iliescu avait des bonnes relations avec Gorbatchev. D'ailleurs, juste après la prise du pouvoir, il a signé un traité tout à fait néo-stalinien avec Gorbatchev, parce que Gorbatchev espérait sauver le centre, mais après Iliescu, en fait, l'a accompagné dans sa tombe, puisqu'il a retourné sa veste au moment où Gorbatchev a été démis par Yeltsin. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Traian Sandu, parlons un peu d'Elena, puisque c'était le cœur de notre sujet. Alors effectivement, on ne connaissait pas les épouses des dirigeants tchèques, est-allemands, polonais, bulgares, hongrois. Mais on connaissait Elena Ceausescu. Quel était vraiment son rôle, son pouvoir réel ou supposé? Écoutez, moi, je trouve que vous en avez fait une présentation assez juste. Elle était, comme ce que vous avez dit à propos de la politique nataliste, elle a accompagné son mari jusque dans son aspect charismatique de dirigeant populaire, en fait nationaliste, national-communiste. Ce n'est pas moi qui ai inventé la notion, Monsieur Tismanin ou Madame Durandin en ont parlé déjà avant, et j'ai bâti mon interprétation justement sur cette combinaison de chef charismatique, nationaliste, héritier aussi un tout petit peu du nationaliste fasciste de l'entre-deux-guerres, auquel j'ai aussi consacré un livre, ma thèse d'habilitation, aussi publié chez Perrin. Et donc en fait, j'étais un peu sur cette lancée de chef charismatique, qui déjà, les chefs fascistes, se faisaient accompagner par leurs femmes. Car il y a une promotion de la femme, après 1918 et après la société patriarcale du 19e siècle, il y a une promotion de la femme qui n'a pas encore le droit de vote, rarement le droit de vote, mais qui déjà, dont on connaît déjà le potentiel politique et aussi le potentiel politique des enfants. Tout ce qui était considéré comme mineur, les femmes, les enfants, sont promus entre les deux guerres et sont mobilisés par ces mouvements charismatiques que sont le fascisme et le bolchevisme. Et donc, elle accompagne son mari et, d'une certaine façon, elle a un rôle très important dans les années 80, qui sont des années difficiles, où Ceausescu veut conserver son charisme, mais tout en remboursant la dette. Et elle a un rôle très important durant la dernière année, donc en 1989, parce que lui, il est très malade. Il a un diabète et il doit mourir peu de temps après. Les services secrets soviétiques savaient à peu près où en était son diabète, et il était en phase finale. Donc lui, il n'a pas perdu beaucoup d'années de vie. Et elle le remplace d'une certaine façon, tout en réalité en le tirant du côté nationaliste. Lui, il aurait presque senti l'air du temps. Il fallait arrêter les frais avec les Occidentaux qui l'avaient soutenu à la fin des années 60, au début des années 70, même durant même jusqu'au début des années 80, il fallait arrêter les frais et se rapprocher tout doucement, revenir un peu la queue entre les jambes, même si ce n'était pas son style. Son style était un style finalement assez brillant, assez nationaliste, mais il avait senti qu'il fallait rentrer dans le giron soviétique et accompagner l'Union soviétique, éventuellement jusqu'à l'écroulement de l'Empire. Mais elle savait que sa popularité et donc sa personnalité politique ayant été essentiellement fondée sur ce charisme, sur ce nationalisme, sur cette mise à l'écart de Moscou, sur, vous voyez, sur cet aspect centrifuge, eh bien, elle l'a tiré du côté de ce qu'il était 15, 20 ans auparavant, c'est-à-dire du côté du nationalisme, du côté de la résistance contre Gorbatchev et contre le rapprochement finalement entre Gorbatchev et Bush père, c'est-à-dire contre la fin de la guerre froide. Et ils en ont payé tous les deux le prix. Donc elle le tirait du côté de son ancienne popularité, qui n'avait plus de base à la fin des années 80. Et quel était son pouvoir réel dans les affaires de l'État ? Son pouvoir réel était à la mesure de son affaiblissement physique et intellectuel à lui. C'est-à-dire D'accord. qu'elle l'a remplacé, et on le voit dans les sténogrammes des sténogrammes que j'utilise, la documentation originale que j'utilise, on la voit, en fait, prendre un certain ascendant sur lui, contre précisément ce rapprochement avec l'Union soviétique de la fin des années 80, et finalement s'accrocher bec et ongles à la nature charismatique, anti-soviétique de leur pouvoir. Et là, une responsabilité dans cette fin sanglante, les 57 morts de Timișoara, les 150 morts de Bucarest, des journées qui vont du 15-16 décembre au 21 décembre. Elle a une responsabilité parce qu'elle s'accroche au pouvoir et à un pouvoir nationaliste, alors que lui, depuis quelques années déjà, depuis Tchernienko, en gros, Andropov, Tchernienko, il avait amorcé un virage pro-soviétique, mais là, elle a une importance, finalement, en lui rappelant qui il était, et qu'il était la nature de son pouvoir, qui était un pouvoir essentiellement national et communiste. Merci infiniment pour ces éclairages. Trajan Sandu, merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Elena Ceausescu, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Romain Leborgne. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.